Chapitre 57e. Je dois le tuer. Et maintenant, demanda le colonel de Fongrib à Paulin Broquet, maintenant que nous venons de conduire à sa dernière demeure cette malheureuse victime, comment allons-nous châtier son assassin? La question ainsi posée n'était pas sans embarrasser beaucoup Paulin Broquet. Colonel, répondit-il, à tout autre homme qui me ferait cette demande, je répondrai par une phrase échappatoire, par un cliché qui ne signifierait rien. Je lui dirai « La police s'occupe de cette affaire. La justice aura son tour. » Je lui parlerai même du glaive de la loi. Tous mots qui ne veulent rien dire. En effet, le fameux glaive de la loi n'est qu'un coupe-papier. Je n'ose proclamer le contraire. Alors, à moi, qu'allez-vous répondre? Je vous dirai franchement qu'ici, la police est désarmée, que la loi est impuissante. Le colonel se récria. Comment? Devant ce crime, un des plus monstrueux qu'un assassin puisse commettre, devant cette odieuse infamie, la loi est sans recours, la justice se croise les bras. Pour poursuivre le coupable, il faudrait qu'une plainte fût déposée. C'est facile. Après, contre qui déposerait-on cette plainte? Contre qui? Contre lui. Qui, lui? Contre le maître, le Z, contre cet homme proté, peau d'anguille, contre Zigomar. Ce serait inutile. Qui est Zigomar? Où est-il? Alors contre le marquis Don Isigomartolo. Impossible. Pourquoi? Parce que le marquis Don Isigomartolo nous donnera les preuves absolument irréfutables qu'il ne peut être pour rien dans cette épouvantable aventure. Ne dit-on pas que l'existence du marquis Don Isigomartolo est un mystère? Ce n'est pas la seule dans Paris qui soit dans le même cas. Ce n'est pas une raison pour ne pas agir contre lui. Veuillez m'écouter 2 minutes, colonel. J'ai, au début de ces événements, trouvé un homme assassiné dans une banque louche, rue Saint-Marc, officine d'espionnage. C'était James Benhamol. Cet homme assassiné n'était pas le vrai James Benhamol, qui se montra bel et bien vivant le lendemain. J'ai, une autre fois, passage des petites écuries, lutté, pour le prendre encore, contre ce James Benhamol. Et ce n'était pas encore le vrai James Benhamol, c'était Zigomar. J'ai, entre-temps, combattu dans le train de Dieppe un homme que je prenais pour le marquis Don Isigomartolo. Je l'ai grièvement blessé. Ce soir-là, j'ai bien cru avoir enfin tué Zigomar. Le lendemain, frais et souriant, j'ai rencontré au bois le marquis Don Isigomartolo. C'était encore Zigomar. En Angleterre, nos amis M. Simonet et le capitaine de la Rochardie sont attaqués par Zigomar, pendant qu'à Paris, je suivais Zigomar. À l'opéra, tandis que je surveillais le marquis Don Isigomartolo dans sa loge, au fauteuil, M. Simonet recevait un coup de poignard de Zigomar. Pendant que le marquis Don Isigomartolo et sa sœur, la comtesse Pepa d'Ortega, se trouvait en visite chez M. Simonet, mes lieutenants à moi, mes fidèles lieutenants, étaient attaqués et blessés sur le pont au change par Zigomar. Un soir, je file au théâtre, au restaurant de nuit, le marquis Don Isigomartolo. Et je trouve cependant, au ministère des Affaires étrangères, Zigomar qui fouillait les documents. L'autre soir, pendant que moi, mes hommes, nous tenions sous bonne veille, le marquis Don Isigomartolo en son hôtel, Zigomar, chez Madame Garitza, commettait son crime infâme. Cela veut dire, fit le colonel, si je vous comprends bien, que vous craignez, en vous attaquant encore à ce singulier marquis Don Isigomartolo, de le voir une fois de plus glisser dans vos mains. Peau d'anguille. Bon, mais il y a un moyen excellent, infaillible, auquel ni anguille, ni serpent, ni tigre, ni Zigomar lui-même ne peuvent échapper. C'est brûler la cervelle au marquis Don Isigomartolo. C'est un moyen excellent, en effet. Comme ça, nous saurons qui est vraiment ce marquis. Et nous verrons bien si Zigomar peut nous échapper toujours et se moquer de nous. Encore faut-il une raison. On en a toujours quand on en veut une, sérieusement. Paulin Broquet arrêta le colonel. Colonel, personne plus que moi ne comprend votre désir de vengeance, mais personne aussi ne voit avec raison combien il est difficile de se venger, dangereux. Songez à quoi vous exposez, et quelle sera l'opinion publique si, après avoir cru vous venger, celui que vous avez voulu frapper se montrait plus fort et plus ironique que jamais. Songez à l'erreur du justicier, songez à la mort inutile due au colonel de Fongrive. Le colonel écouta encore quelques instants Paulin Broquet, essayant de lui démontrer combien il serait difficile, dangereux, de vouloir poursuivre cette idée de vengeance. Puis il dit, après un court silence, sur un ton froidement résolu, « Je dois tuer l'assassin de Madame Garitza, colonel. Quelles qu'en soient les conséquences, je dois venger cette femme martyrisée, je dois punir, moi, celui qui a tué mon cœur. Rien au monde ne pourra arrêter mon bras. » Il y avait dans l'intonation avec laquelle le colonel prononça ces paroles une telle force de volonté, un tel indice de résolution, une si ferme indication de plan arrêté, que Paulin Broquet ne crut pas devoir, pour le moment, essayer de dissuader le colonel d'entreprendre cette vengeance. D'ailleurs, il savait combien l'exécution en serait difficile, et il se dit que probablement jamais le colonel n'arriverait à soulager sa haine. S'il y parvenait, pensa-t-il en même temps, s'il abattait le marquis Don Isigo Martolo, cela me rendrait un fameux service. Toutefois, il entrevit que ses projets allaient lui causer un surcroît de soucis, d'inquiétude. Le colonel s'attaquait là à forte partie. Pour combattre ses formants, il fallait autre chose que la seule bravoure, que le seul courage. Il fallait être tout autre qu'un bon et loyal soldat. Le soleil connaissait la bataille au beau soleil, le sabre clair. Celui à qui il s'attaquait méprisait le grand jour et se servait du poignard. Le soldat s'attaquait aux bandits. Et Paulin Broquet, redoutant de voir tomber le loyal et brave colonel dans un piège, dans un guet-apens habilement préparé, dut organiser un service pour surveiller incessamment, sans qu'il s'en doutât, cet homme dont le cœur épouvantablement meurtri pouvait affoler la saine raison. « Ces mathématiciens, dit le détective à ses lieutenants, ces gens sages et positifs, quand ils se mettent à faire des bêtises, les font à la cinquième puissance. » Paulin Broquet, quand il préparait cette surveillance, se trouvait avec ses hommes dans son bureau de la sûreté. C'était le matin, à l'heure où l'on parle des événements de la veille, où l'on étudie les affaires en cours, où l'on prépare les opérations prochaines. L'agent de garde qui servait d'huissier présenta à Paulin Broquet une carte. Paulin Broquet lut cette carte, tout en se grattant nerveusement le menton, et ensuite se mit à rire. Il s'adressant à l'amorce, « Mon garçon, c'est un de tes amis qui demande à me voir. » Il lui tendit la carte. « Mac Bingerton !» lut l'amorce avec étonnement. « C'est un homme de parole, » fit Paulin Broquet. « Ton ami Mac Bingerton avait promis de venir. Il vient, le voici. » Le chef fit signe à l'agent qui attendait. « Faites entrer ce gentleman, » dit-il. Et puis à ses lieutenants, rapidement, il ajouta. « Il est entendu, mes garçons, que nous tournons notre confrère anglais pour un véritable fripon. Mais tant que cela sera nécessaire, nous sommes ses dupes. Entendu, chef. »